L'agneau et le loup. Il était une fois un agneau qui se mettait tous les jours dans des problèmes. Lui ou les autres. Oh Seigneur, je suis tout boueux et je sens mauvais. Maman ne va pas du tout apprécier ça. À ce moment-là, la mère arriva et regarda le bébé agneau avec colère. Tu ne m'écoutes jamais, n'est-ce pas? Je t'ai dit de ne pas sauter d'une telle hauteur. Mais je t'ai dit aussi que c'était amusant. Tu ne m'écoutes donc jamais, maman. La maman agneau ne pouvait s'empêcher de rire de son enfant et de l'embrasser. Allez maintenant, allons te nettoyer. Sa mère aimait tellement son enfant qu'elle s'inquiétait pour sa sécurité. Elle l'avait toujours prévenu. Fais attention, tu ne dois pas aller dans la forêt. Les animaux sauvages y vivent. Ils peuvent te menacer ou pire, te manger tout cru. Oh maman, tu t'inquiètes beaucoup trop. Mais l'agneau malicieux n'écoutait pas. Il se dirigea avec désinvolture dans la forêt et y joua longtemps jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Un jour, comme d'habitude, l'agneau errait loin dans la forêt. Là, il vit une source. Ah, une source! Au bon moment, j'avais tellement soif! Il décida de boire l'eau de la source pour se désaltérer. Mais pendant que l'agneau buvait de l'eau, un loup l'observait derrière un arbre. Un agneau juteux et appétissant. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Alors, avec de mauvaises intentions, le loup commença à s'approcher de l'agneau. L'agneau ne s'apercevait de rien, tant il était occupé à boire de l'eau. Et il n'y avait personne, en dehors de ces deux animaux, pour sauver l'agneau du loup. Est-ce que tu sais que cette forêt n'appartient qu'à des animaux sauvages comme moi? Pourquoi es-tu venu ici pour prendre de l'eau de cette source? L'agneau fut surpris lorsqu'il vit le loup devant lui. Il savait que les loups étaient des animaux dangereux. Ma maman m'a dit de me méfier des loups. Je suis sûr qu'il veut me manger pour son déjeuner. Il a l'air tellement féroce. Il va falloir que j'arrive à m'échapper le plus rapidement possible. Oh, toutes mes excuses, oh puissant loup. Mais je ne suis qu'un bébé agneau qui ne sait rien du tout. Et en plus, tu salis l'eau. Comment vais-je boire cette eau polluée à présent? Toutes mes excuses encore. Mais vous ne resterez pas assoiffé, puissant loup. L'eau de votre côté est propre, voyons. Hein? Parce que la source coule de l'endroit où vous vous trouvez jusqu'à l'endroit où je me tiens, monsieur. Le loup était surpris d'entendre une réponse aussi intelligente de la part de l'agneau. Mais il cherchait simplement une excuse pour tuer l'agneau. Comment oses-tu discuter avec moi? Je pense que tu es le même agneau qui m'a maltraité l'année dernière. L'année dernière? Mais je n'étais même pas né à ce moment-là. L'agneau craignait que le loup ne cherche un prétexte pour le tuer. Il se méfiait de ses paroles et de ses gestes. Ainsi, l'agneau et le loup se parlaient avec précaution. L'agneau entendit des bûcherons. Ils venaient par le chemin dans lequel se tenaient l'agneau et le loup. L'agneau, intelligent, se mit à réfléchir. Si seulement j'arrivais à parler à ce loup un peu plus longtemps, les bûcherons finiront par arriver et ils le chasseront. Monsieur loup, vous avez raison. J'ai sali l'eau. Mais je ne voulais pas vous contrarier. C'est trop tard, tu m'as énervé. Oh, laissez-moi me faire pardonner en vous racontant une histoire. Une histoire? Ah, quelle perte de temps. Mais je dois l'écouter afin de l'approcher doucement. Car je n'ai ni la force ni la volonté de chasser cet agneau. Il était une fois... De cette façon, l'agneau continua à parler pendant quelques minutes de plus. Alors que l'agneau parlait, les bûcherons arrivèrent. Ils virent à la fois l'agneau et le loup. Oh, ils sont nuisibles! Regarde-là! Un loup! Ils attrapèrent le loup et le rouèrent de coups avant de le laisser partir. L'agneau a été soulagé d'être en sécurité. Ouf! Je crois que je l'ai échappé belle aujourd'hui. Il courut vers sa mère. Il lui raconta tout ce qui s'était passé dans la forêt avec le loup et les bûcherons. Et puis, il promit à sa mère de ne plus jamais errer dans la forêt. Et la mère fut soulagée que l'agneau apprit sa leçon. Oh oui, maintenant je sais, maman. Je ne dois pas aller dans des endroits étranges. Surtout des endroits où des animaux plus forts et féroces attendent pour me tuer.